Elle a voulu, cette horrible femme, brouiller le ménage de votre gendre. Dans quel intérêt, je n'en sais rien, car mon intelligence est trop faible pour que je puisse voir clair dans ces ténébreuses intrigues, si perverses, ignobles, infâmes. Votre madame Marneffe n'aime pas votre gendre, mais elle le veut à ses genoux par vengeance. Je viens de traiter cette misérable comme elle le méritait. C'est une courtisane sans pudeur. Je lui ai déclaré que je quittais la maison, que je voulais dégager mon honneur de ce bourbier. Je suis de ma famille avant tout. J'ai su que ma petite cousine avait quitté Venceslas, et je viens. Votre Valérie, que vous prenez pour une sainte, est la cause de cette cruelle séparation. Puis-je rester chez une pareille femme ? Notre petite chère Hortense, dit-elle en touchant le bras au baron d'une manière significative, est peut-être la dupe d'un désir de ces sortes de femmes qui, pour avoir un bijou, sacrifieraient toute une famille. Je ne crois pas Venceslas coupable, mais je le crois faible, et je ne dis pas qu'il ne succomberait point à des coquetteries si raffinées. Ma résolution est prise. Cette femme vous est funeste, elle vous mettra sur la paille. Je ne veux pas avoir l'air de tremper dans la ruine de ma famille, moi qui ne suis là depuis 3 ans que pour l'en empêcher. Vous êtes trompé, mon cousin. Dites bien fermement que vous ne vous mêlerez pas de la nomination de cet ignoble monsieur Marneffe, et vous verrez ce qui arrivera. L'on vous taille de fameuses étrivières pour ce cas-là.